Canaan, nouvelle lointaine, de Fabrice Collin. Quatrième épisode. Hélène tente de faire face à la culpabilité et au chagrin qui l'assaillent après le suicide de son ex-mari, Norman, qui était soigné pour des troubles psychiques graves. Elle a par ailleurs appris à sa grande surprise qu'Albert, son deuxième mari dont elle est en train de se séparer et qui est psychiatre, soignait encore Norman au moment de sa mort, alors qu'ils avaient décidé ensemble qu'il ne devait plus être son patient. Plus troublant encore, Norman écrivait un roman sous la houlette d'Albert. Hélène décide d'en savoir plus en rencontrant l'éditeur pressenti pour le livre. Pour qu'il accepte de lui parler, elle se fait passer pour la sœur de Norman. Monsieur Eggelstein ? Lui-même. Bonjour, je suis Carole Faritz. Carole ? Faritz, la sœur de Norman. Enchantée. Oui, je m'excuse de vous contacter ainsi à brûle-pourpoint. C'est Albert qui m'a donné vos coordonnées. Il a bien fait. Très bien fait. Que puis-je pour vous, madame ? J'aurais voulu vous voir. Mon frère est mort et... Oui, bien sûr, on m'a mis au courant. J'allais vous appeler. Je pensais qu'il serait opportun de laisser passer un peu de temps, mais... Vous savez, ça n'a pas réellement été une surprise. Le suicide de mon frère. Je suis dévastée, mais je ne peux pas non plus m'empêcher de me répéter que c'était écrit, que c'était inévitable. Oui, je comprends. Vous l'avez rencontré ? Qui donc ? Mon frère ? Pas directement, hélas. C'était prévu, évidemment, mais Albert, Monsieur Galloway, on sait que le moment était, disons, prématuré. Je le regrette beaucoup aujourd'hui. Nous le regrettons tous. Je ne veux pas me mêler de ça, les histoires de publication. La littérature, je n'y connais pas grand-chose. Mon mari lit des romans policiers. Moi, je n'ai pas trop le temps avec mes trois enfants. Parfois, je regarde de vieilles émissions d'Oprah et je me dis que je devrais faire un effort. Vous savez, la lecture doit rester un plaisir. Il faut attendre le moment opportun. Rien de presse. J'aimerais tant que ce soit vrai. Je suis à New York ces jours-ci pour... Enfin, vous savez, mon frère, les affaires à régler. Alors, aussitôt que possible. Aussitôt ? Parfait. Que diriez-vous de demain ? Ou aujourd'hui ? L'homme a marqué un temps de surprise. Aujourd'hui... Le brusquer n'était pas mon intention. Écoutez, mais il était vital que je le rencontre plus vite, avant que la supercherie soit éventée. Il m'a proposé le lendemain à la première heure. Vraiment, il ne pouvait pas avant. Il n'est pas au courant de... Je lui ai demandé de ne rien dire à Albert. C'était une requête que je n'étais pas sûre de voir satisfaite, mais je ne pouvais pas ne pas demander. J'ai invoqué la discrétion, une forme de sensibilité pudique. Nos relations singulières aussi. Il était important pour moi de profiter de ce moment sans filtre, sans affect, juste un face-à-face d'une heure afin que nous parlions de mon frère et de son livre. Du livre de mon frère. Oui, Monsieur Galloway avait vaguement mentionné le thème, mais non, ai-je certifié Eggelstein, je n'en avais pas lu une ligne. Non. Et à présent, non, la curiosité me titillait. Serait-il possible, de vous en remettre un exemplaire provisoire ? Oui. Écoutez, je crois que rien ne s'y oppose, Madame Faritz. Il va falloir que nous parlions contrat aussi. Très bien. Sur un plan strictement littéraire, il avait été prévu que je travaille avec votre frère par l'intermédiaire d'Albert, qui a supervisé, je dirais, l'essentiel du projet, de l'idée initiale à la réalisation. Et donc, nous allons terminer le travail ensemble, juste lui et moi, parce que nous avons de très bonnes raisons de penser que c'est ce que Norman aurait souhaité. Si vous voulez vous plonger dans le texte dès maintenant pour vous familiariser avec l'histoire, si vous voulez vous faire une meilleure idée de la nature du projet, moi, de mon côté, je ne vois aucune raison de vous refuser cela. Très bien, je vous remercie. Et je vous dis à demain, Monsieur Eggelstein. À demain. À demain. Les bureaux de Mockingbird, situés dans un immeuble de l'Upper East Side à la façade refaite à neuf, se sont révélés étonnamment exigus. Il consistait en deux pièces mal éclairées donnant sur une cour intérieure plus sombre encore. L'éditeur partageait son bureau avec deux jeunes femmes. L'une d'elles, un casque sur les oreilles, devait à peine sortir de l'université. Elle m'a adressé un sourire de convenance, mais n'a pas ôté ses écouteurs. L'autre, qui avait l'âge d'être sa mère, est partie me chercher un café. Ensuite, derrière ses petites lunettes rectangulaires, elle m'a scrutée pendant plusieurs minutes avec attention, sans essayer du tout d'être discrète. Puis, jugeant sans doute que je ne représentais ni une menace ni un intérêt particulier, elle s'est remise à pianoter avec entrain sur le clavier de son Mac. David Eagleston, appelez-moi Dave, était plus jeune que je l'avais pensé. La trentaine, teint hâlé, les cheveux gominés et coiffés en arrière, on aurait dit qu'il revenait de vacances à Maui. Mes recherches sur Google m'avaient appris qu'il était le neveu du côté de sa mère d'un prestigieux éditeur new-yorkais. Naturellement, il n'allait pas s'en vanter. Sur son bureau, bien en évidence, le tapuscrit de Norman reposait, ficelé par un élastique noir. Entre ses doigts soigneusement manucurés, Dave faisait tourner un stylo plaqué or. Je l'ai presque tout de suite détesté. Un je ne sais quoi de supérieur vibrait comme une aura autour de sa petite personne. Il vivait dans le monde semi-merveilleux des livres, dans le monde de ceux pour qui les romans et la culture sont de plates évidences. Il devait passer ses journées à pérorer sur ses confrères et sur l'état de déliquescence consternant dans lequel était plongée la littérature américaine. À nous. C'était une sorte de génie, votre frère. Vous pouvez être fier. Je ne sais pas. Je n'y connais rien. C'est bien pour cela que je vous dis ça. Vous connaissez La Conjuration des imbéciles ? Non, je ne l'ai pas lu. Vous devriez. C'est fameux. L'auteur était mort depuis des années quand sa mère a proposé le manuscrit à un éditeur. Il s'était suicidé, l'auteur. Le texte était tellement bon que l'éditeur a cru que c'était une farce. Mais ce genre de choses arrive parfois, et c'est ce qui rend ce métier si palpitant. Le truc surgit de l'espace, vous voyez. Une chance sur mille, et c'est sur vous que ça tombe. Combien de temps a-t-il mis pour l'écrire ? J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Soyez-en sûr. Un an, je crois. Vous avez eu Albert au téléphone ? Pas depuis que nous nous sommes parlé. Pourquoi ? Je pensais qu'il vous avait expliqué. Il ne m'a rien expliqué du tout. Il m'a juste dit que le livre existait et qu'il était quasiment terminé. C'est une histoire extraordinaire. Je pèse mes mots. Mon frère ? Votre frère devait être un garçon extraordinaire, lui aussi. Fatalement, je suis très déçu de ne jamais l'avoir rencontré. Je pensais que ce livre le sauverait. Et de toute évidence, c'est le contraire qui s'est passé. Mais je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour ne pas le faire connaître. Je crois même le contraire. Est-ce que c'était une idée d'Albert ? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont travaillé ensemble. Que mener ce projet à bien faisait partie du processus thérapeutique, en quelque sorte. Pendant des mois, ça l'a porté, ça, j'en suis sûr. Je crois qu'Albert a accompli un boulot faramineux. Il ne nous a contactés que tardivement, vous savez. Le manuscrit était achevé aux trois quarts et il pensait que peut-être il était publiable. C'est un homme qui a beaucoup lu. Je l'ai tout de suite compris quand nous nous sommes parlé. C'est bien pour ça que... C'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai accepté de le recevoir et de jeter un œil à ceux qui m'avaient apporté. Vous savez, des types convaincus d'être des génies ou persuadés d'en connaître un, vous n'imaginez pas à quel point c'est fréquent. J'ai lu le roman le soir même, je l'ai rappelé le lendemain, j'ai dit que je voulais parler à Norman... Albert m'a répété que c'était une mauvaise idée. Il m'a expliqué les problèmes de votre frère. J'étais très frustré, hein, vous imaginez bien, je dirais pas le contraire. Mais j'imagine que c'était mieux ainsi. Vous voyez, une sorte de ménage à trois avec Albert en milieu. Mm-hmm. Nous avons commencé à travailler. Il parlait sans s'arrêter. Du ton d'un homme qui ne se pose pas de questions. Normal, du ton d'un homme pour qui une route a été tracée et qui trouve ça parfaitement normal. Moi, j'avais dit... Il ne faisait aucun doute à ses yeux que j'étais la sœur de mon frère. Une fille aimable mais un rien paumé et qui, en tout état de cause, n'entendait rien à la littérature. Ça me convenait parfaitement. Pour l'occasion, je m'étais teint les cheveux en brun et j'avais chaussé des lunettes. J'étais à peu près certaine qu'il allait parler de ma visite à Albert. Magnifique, ma sœur. Très vite, une question s'est mise à tourner en boucle dans mon esprit. Norman savait-il, oui ou non, que son praticien avait confié son roman à un éditeur ? Rien n'indiquait que ce fût le cas. Bon, il avait forcément dû finir par l'apprendre s'il avait signé un contrat. Mais quand était-ce arrivé ? En quelles circonstances ? Voilà ce que j'aurais voulu lui demander. Et je ne pouvais pas. Éveiller ses soupçons était la dernière chose que je voulais faire. Je l'épaulais. C'est mon rôle, je suis éditeur. Je suis là pour ça. Je suis là pour... Moi, je n'y connais rien, je crois. Oui, c'est mon métier. C'est ce qui me passionne. C'est ce qui me touche. Je sentais que mon backup était efficace. Albert revenait vers Norman. Et à chaque fois, le manège à trois, comme je vous le disais tout à l'heure, opérait comme une sorte de magie. Si vous le voulez bien, nous allons devoir aborder le volet paperasse. Vous êtes l'ayant droit principal. Mais nous avons prévu quelques aménagements, si cela ne vous dérange pas. Dans la mesure où Albert est considéré comme apporteur d'ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Je ne sais pas exactement encore. Je laisse Jen s'occuper de ça. Jen prend en charge les questions juridiques. Disons qu'il serait plus pratique que vous nous abandonniez certaines prérogatives. Des points techniques. Principalement des détails. Qui touchera des droits d'auteur ? Cela fait partie des questions soulevées. Vous aurez droit à un pourcentage. Mais pas tout le pourcentage. Sans doute pas, non. Et les droits dérivés ? Il a souri. Peut-être étais-je allé un peu loin. Les droits dérivés... Il devait me voir comme une plouque du Middle West, une aimable boniche totalement étrangère aux questions contractuelles les plus élémentaires. La seule mention de l'expression « droits dérivés » venait de mettre ses minables petites certitudes à mal. Je pense que le plus important... Il m'a pourtant servi le baratin auquel je m'étais attendu. Pour simplifier, et Eggelstein était très désireux de simplifier, il s'agissait d'abandonner une partie de mes droits à Albert, la plus grande partie possible. J'ai fait celle qui faisait semblant de comprendre, celle qu'il voyait en moi depuis le début. J'ai dit que j'étudierais la question, que je n'étais pas le genre de personne à créer des problèmes, que le plus important, bien sûr, c'était le livre. Sur ce point, au moins, je ne mentais pas. Depuis le début de l'entretien, j'avais eu beaucoup de mal à m'empêcher de lorgner le tapuscrit. Eggelstein, sans doute, s'en rendait compte. Et il prenait un malin plaisir à le tapoter, comme s'il s'agissait d'une possession personnelle, d'un trésor unique. Pour finir, j'ai demandé si je pouvais l'avoir. Eggelstein a sorti une feuille de son bureau et me l'a tendue dans le sens de la lecture. Il s'agissait d'un accord de confidentialité qui stipulait que le texte était destiné à ma stricte lecture personnelle, que je n'avais pas le droit d'en parler ou d'en reproduire quelque partie que ce soit, sur quelque support que ce soit. J'ai signé sans hésiter. Eggelstein a souri, a glissé le tapuscrit dans une pochette cartonnée jaune pisseux et me l'a tendu. Il a fallu que je prenne sur moi pour ne pas serrer cette pochette contre mon cœur. Eggelstein m'a posé deux ou trois questions encore, mais honnêtement, je ne me rappelle plus. Ce que je me rappelle, c'est qu'il avait les mains moites et que je suis rentrée en taxi. Ce que je me rappelle, c'est qu'il s'était remis à neiger. Sur le répondeur de mon portable, deux messages clignotaient. Le premier était d'Albert, le second de Rob. Je les ai pas écoutés. Midi arrivait. J'ai glissé une soupe préparée au four micro-ondes et j'ai lâché le tapuscrit sur la table du salon. Canaan, nouvelle lointaine. À vrai dire, je n'ai pas compris le titre d'emblée. Je ne m'attendais nullement à recevoir des nouvelles de mon ex-mari. Mon ex-mari s'était pendu avec une écharpe que je lui avais offerte. Il n'était plus en position de me communiquer quoi que ce soit. Et pourtant... Pourtant... Il est désormais prouvé que je me trompais. Les signes sont là, à chaque page. Je ne crois pas en la magie. Je ne crois pas en une vie après la mort. Je crois en ce que je lis, en ce qui palpite entre les pages. J'ai avalé la moitié de ma soupe et je me suis installée dans mon fauteuil, côté jardin. Albert a essayé encore trois fois de m'appeler. Le fixe, le portable. Je n'ai pas donné suite. J'étais partie déjà, à la poursuite de Norman. Les éléments, peu à peu, se mettaient en place. J'étais revenue en partie sur mon impression initiale. Le roman n'était pas aussi dépourvu d'intrigue que j'avais d'abord voulu le croire. Des lignes de force se dessinaient. En premier lieu, le narrateur. Ses blessures, son exil, son arrivée à Canaan. Autour de lui, un décor déplié. Les habitants, plus singuliers les uns que les autres, éclopés eux aussi, meurtris. Et la montagne, bien sûr, dont l'ombre hautaine paraissait tout absorbée. Venait la rivière, ensuite, à l'eau de laquelle on prêtait des vertus miraculeuses. Elle descendait se perdre dans la vallée. Et il fallait grimper pour goûter sa magie, pressentait le narrateur. S'aventurer vers les sommets arides. En aval, elle était un cours d'eau comme les autres. Une rumeur bondissante, rien de plus. Et il était difficile de considérer avec sérieux ces histoires de vie éternelle. Mais là-haut, trônait un monastère, une sorte de castel aux lignes épurées, non occupé, disait-on, ou seulement par un moine, ou seulement par un enfant. La femme aux lunettes noires et au décolleté vertigineux, la femme au visage à moitié bandé, l'ancienne actrice qui tournait autour du narrateur tel un oiseau de proie sans jamais montrer ses serres, paraissait en savoir long sur le sujet. L'enfant était-il le sien ? Elle ne m'avait jamais rien dit à ce propos. Et de fait, nous discutions peu, abordant toujours les sujets les plus anodins. Le temps qu'il allait faire, un ourson qui s'était aventuré la nuit dernière au beau milieu de Main Street, les qualités comparées des barquettes de nourriture lyophilisée disponibles sur les étagères des deux épiceries. Elle ne m'avait rien dit, mais je sentais. Je savais qu'elle savait quelque chose. Quelle sorte de regard ces lunettes noires dissimulaient-elles ? Quelle espèce de tristesse ? Parfois, je la surprenais, le visage tourné vers les cimes, les mains croisées sur la petite table en fer que j'avais installée dans mon jardin. Et il me semblait que des larmes coulaient sur sa joue pâle, du côté non bandé, larmes qu'elle essuyait par gestes furtifs, presque machinaux. Quant au moine qui vivait là-haut, et dont l'existence même était sujette à caution, impossible d'en apprendre davantage. Il ressemblait à Leonard Cohen, ce moine évoqué au conditionnel par les autres. Un vieux monsieur qui avait beaucoup appris, beaucoup voyagé, et que le silence des crêtes semblait désormais ravir. Comment le narrateur pouvait-il ne pas le reconnaître ? Certains personnages parlaient de lui sans détour, comme d'un homme qui s'était installé il y a fort longtemps. Un homme sans mémoire désormais, au visage buriné, au regard bleu glace, peut-être même aveugle. C'était la première fois que je me trouvais en présence d'un narrateur non pas ouvertement menteur, mais d'une certaine façon ignorant. Un homme qui refusait de voir ce qui se trouvait sous ses yeux. L'auteur d'un récit plus vaste que lui-même, dont il était loin de discerner toutes les subtilités. Quelle étrange fiction que la sienne, semée d'indices et de signaux. On avait envie de le prendre par la main et de gravir avec lui la montagne. Parfois, des tempêtes de neige se levaient, en plein midi, déferlaient dans la vallée en dépit du soleil et soudain obscurcissaient tout, semblables à des nuages de cendres. Nul volcan à l'horizon pourtant. La vieille femme, la fille sans nom, les fantômes, le chant vespéral des bûcherons, les ours que personne ne croisait, les voyageurs sans nom, l'homme au cerf-volant et ses oiseaux qui mouraient d'épuisement. À certains moments, on avait envie de secouer le narrateur par le collet et de le forcer à tenter quelque chose, n'importe quoi. À d'autres moments, on comprenait que sa passivité était en définitive constitutive de l'histoire, qu'elle en constituait le thème même. Des directions étaient esquissées, de vagues perspectives offertes, mais la vérité, de mon point de vue, c'était qu'il n'y avait rien à faire, rien à espérer. Quelque chose allait arriver, on le sentait, quelque chose qui dépasserait le narrateur, le submergerait. Et voilà où j'en suis maintenant, tournant les pages et retenant mon souffle. Le récit est passé au présent, le temps qui prouve que l'on ne sait rien. Une chose arrive et puis une autre. Le lecteur attend, le narrateur se cramponne, et je pense à Norman. Je marche dans les pas de Norman. Sa tristesse m'est familière. les inflexions paisibles d'un désespoir qui dure. Je reviens aux premières pages. Des notes ont été prises, au crayon à papier. On les distingue encore malgré la piètre qualité de la photocopie. Je les déchiffre l'une après l'autre. J'aurais pu écrire ces mots moi-même. Vallée dans les montagnes, rocheuse, territoire pseudo-tibétain sacré, narrateur atteint d'une maladie incurable, qui n'est pas nommée parce qu'on n'a pas trouvé d'autre mot que la vie pour dire la souffrance qu'elle diffuse. Le personnage est-il arrivé dans le monde des morts ? Des gens veulent lui faire croire qu'il est arrivé au paradis, mais s'installer ici nécessite plus que du cran. Une fête est donnée sur Main Street, et le narrateur n'est certain que d'une chose, cela a à voir avec la disparition de son enfant. À cet instant, je m'arrête. Ne sais pas si je pourrais lire beaucoup encore. Il ne reste que quelques pages. Sont-elles à ce point importantes ? Elles le sont, mais ce n'est rien. Je devine ce qui va se passer. Je vois Norman dans sa chambre, dénouant soigneusement l'écharpe de soie que je lui ai offerte, puis la nouant à la poignée de la porte. Mort prochaine par privation d'oxygène. Et je nous revois, nous, surtout, le jour où nous nous sommes rencontrés. Merci. De rien. De rien du tout. Je t'ai pas payé. Quoi ? Tu devrais aller vérifier tes billets. Qu'est-ce que ça ? Merde, ils sont faux ? Espèce de sale ! $200, tu crois que tu vaux ça ? S'il te plaît, tout s'est bien passé. Donne-moi mon fric. Donne-moi même la moitié si tu veux. C'est pour payer mes études. Tu vaux tellement plus. S'il te plaît, je te jure, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Hé, tu m'écoutes pas ? T'es belle. T'es mille fois plus que ça. J'ai besoin de cet argent, tu comprends ? Non, t'as besoin d'amour. Besoin d'être sauvé. Non, pitié. Et quoi, c'est toi qui vas me sauver, c'est ça ? Bon Dieu, mais tu te crois où ? À Hollywood ? Écris un scénario, s'il te plaît, mais fais pas chier. Assieds-toi, ici, prête-moi. Va te faire foutre, ok ? Donne-moi mon argent et tire-toi. Je partirai pas. Dis-moi ton nom. C'est $200, mon nom. Je vais rester dans ta vie, $200. Je vais m'y installer. Tu sais quoi ? Comme si c'était un salon. Je vais refaire toute la déco. Je vais passer l'aspirateur, et quand j'aurai terminé... Je mettrai mes pieds sur la table basse. C'était Canaan Nouvelle Lointaine de Fabrice Collin. Quatrième épisode avec Catherine Tartarin, Hélène, Mathieu Létuvé, Norman, Jean-Marc Leyer, Egelstein. Et les voix de Blandine Baudrillard, Elsa Bosque, Élodie Vincent. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Juliette Eman. Remerciements à Dominique Massa et Antoine Huyose.